Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet Dupré 1862. Question 21. De l'excommunication, sa définition, sa convenance et ses causes. Examen de la définition que l'on donne de l'excommunication, raison qui oblige l'Église à excommunier. S'il est permis d'excommunier pour un dommage temporel, de l'excommunication injuste. 1. L'excommunication a-t-elle été bien définie? Il y a deux sortes d'excommunication, l'une, appelée mineure, retranche de la participation au sacrement, l'autre, appelée majeure, prive à la fois des sacrements et de la communion des fidèles. Cette dernière peut très bien se définir, comme on le fait d'ordinaire, la séparation de la communion de l'Église quant aux biens et aux suffrages généraux. Ces mots, quant aux biens, signifient la privation des sacrements, et ces autres, aux suffrages généraux, expriment l'exclusion de la communion des fidèles dans les matières spirituelles, telles que les prières communes qui se font au nom de l'Église. Note. Quand un homme est frappé d'une excommunication majeure, il est défendu de lui donner le baiser de paix, de prier pour lui au nom de l'Église, de lui conférer les sacrements ou de les recevoir de sa main, de s'asseoir avec lui à la même table. Il est permis de prier pour lui, afin qu'il se convertisse, mais on ne doit pas le comprendre dans les prières adressées à Dieu pour les membres de l'Église. Pour la conduite à tenir envers les excommuniés, voyez la question 23, article 1er. Fin de la note. 2. Est-ce un devoir pour l'Église de porter parfois des excommunications? Le Seigneur disait en parlant de l'homme qui n'écoute pas l'Église, qu'il vous soit comme un païen et comme un publicain. Matthieu 18, 17. Les païens sont hors de l'Église, donc les pécheurs qui dédaignent d'écouter l'Église doivent être bannis de son sein. Dieu punit les méchants, tantôt par des fléaux, pour les ramener à la vertu, tantôt par l'abandon à eux-mêmes, afin que, destitués de tous les secours propres à les préserver du mal, ils sentent enfin leur faiblesse et reviennent au bien par la voie de l'humilité. Sous ces deux rapports, l'Église, en portant des sentences d'excommunication, imite les jugements de Dieu, elle engage les pécheurs à rougir de leur état, à la vue de leur misère, et à revenir à Dieu par la voie de l'humilité. Note. Elle imite le médecin qui pratique une incision pour sauver un malade. Fin de la note. 3. Est-il permis à l'Église d'excommunier pour des dommages temporels? En principe, personne ne doit être excommunié que pour des fautes mortelles, mais, comme on pèche mortellement contre la justice et la charité en causant au prochain, soit dans sa personne, soit dans ses biens temporels, un préjudice considérable, l'Église peut excommunier quelqu'un pour des dommages temporels dont il est l'auteur. L'excommunication étant toutefois la plus grave des peines, elle imitera, avant d'y recourir, un sage médecin qui emploie d'abord les remèdes les plus doux, elle commence par les admonitions. Et elle ne frappe de l'excommunication que les contumaces. 4. Une excommunication injuste a-t-elle quelque effet? Supposez-vous que cette excommunication est juste en elle-même, mais qu'elle a été portée par haine ou par colère, si bien qu'elle n'est injuste que de la part de celui qui la porte, dans ce cas, elle produit son effet, le coupable, malgré le péché de celui qui l'a porté, subit une juste sentence. Supposez-vous que l'excommunication est injuste en elle-même, soit parce que la cause pour laquelle elle a été portée ne le méritait pas, soit parce que les règles du droit n'ont pas été observées? De deux choses l'une, ou l'erreur est de telle nature qu'elle invalide la sentence, et alors il n'y a point d'excommunication, ou bien l'erreur n'est pas assez considérable pour annuler la sentence, et l'excommunication obtient son effet. Celui qu'elle atteint doit se soumettre humblement, ou demander d'en être relevé, soit à celui qui l'a frappé, soit au juge supérieur. Question 22. De ceux qui peuvent porter l'excommunication et de ceux qui peuvent l'encourir. Tout prêtre n'a pas le droit d'excommunier. Un homme qui n'est pas prêtre a quelquefois ce droit. L'excommunier et le suspend ne l'ont point. On ne peut excommunier que son inférieur. On n'excommunie point collectivement une corporation entière. Réitération de l'excommunication. 1. Tout prêtre peut-il excommunier? Il faut réserver aux plus élevées en dignité les fonctions dangereuses. Le pouvoir d'excommunier, offrant bien des périls si on ne l'emploie avec prudence, ne doit pas être confié indifféremment à tout prêtre. Les évêques et les autres principaux prélats, qui ont juridiction dans le fort contentieux, peuvent seuls en être investis. Les curés ne sauraient en user par leur autorité propre. 2. Ceux qui ne sont pas prêtres sont-ils parfois en droit de porter des sentences d'excommunication? Les archidiacres, les légats et les prélats élus ont le droit d'excommunier, et cependant il peut arriver qu'ils ne soient pas prêtres. Les prêtres seuls dispensent les sacrements qui confèrent la grâce, et conséquemment eux seuls peuvent absoudre et lier dans le tribunal de la pénitence, mais l'excommunication n'ayant avec la grâce qu'un rapport éloigné, en ce sens qu'elle prive le sujet qu'elle atteint des suffrages de l'Église qui dispose à la recevoir ou qui la conserve, ceux-là même qui, sans être prêtres, ont juridiction dans le fort contentieux, peuvent excommunier. 3. Un excommunié ou un suspens peut-il excommunier les autres? Celui qui est enchaîné ne peut pas enchaîner autrui. Retranché de la communion des fidèles, l'excommunié est hors d'état d'exercer une juridiction, et par là même de lancer l'excommunication, acte de juridiction. Ainsi en est-il encore de ceux qui ont encouru la suspense par rapport à leur juridiction. 4. Pourrait-on s'excommunier soi-même, excommunier son égal ou bien son supérieur? L'excommunication est un acte de juridiction, et comme la juridiction constitue quelqu'un dans un état de supériorité à l'égard d'un autre, on ne peut excommunier ni son supérieur, ni son égal, ni soi-même. 5. Peut-on excommunier une communauté entière? Comme on ne doit excommunier personne que pour des péchés mortels, et qu'il n'est pas vraisemblable que tous les membres d'une communauté sans exception s'accordent pour commettre une faute de ce genre, l'Église a sagement réglé qu'on n'excommunierait point à la fois une communauté entière, de peur d'arracher le froment en même temps que livrait la zizanie. Il est permis d'excommunier à part chacun des membres d'une communauté, mais non la communauté prise collectivement. Note. Le mot communauté peut s'entendre aussi d'un état ou d'une ville. Fin de la note. 6. Celui qui est excommunié une première fois peut-il l'être une seconde? Celui qui a déjà été excommunié peut l'être une seconde fois, soit par la réitération de la même excommunication, afin qu'une plus grande confusion le fasse sortir de son péché, soit pour une cause nouvelle, et, dans ce dernier cas, il y aura autant d'excommunications distinctes qu'il y aura eu de causes d'emporter. Note. Ces excommunications ont pour effet d'exclure plus rigoureusement des suffrages de l'Église celui qui les mérite. Question 23. De la communication avec les excommuniés. Des cas où il est permis d'avoir des rapports avec un excommunié. Des cas où l'on encourt soi-même l'excommunication. Y a-t-il toujours péché mortel à communiquer avec un excommunié hors les cas permis par le droit? 1. Est-il permis de communiquer avec un excommunié pour les choses purement matérielles? Il y a deux sortes d'excommunication, l'excommunication mineure et l'excommunication majeure. Il est permis de communiquer pour des choses purement matérielles avec celui qui n'est atteint que de l'excommunication mineure, mais non avec celui qui est frappé d'une excommunication majeure, laquelle a pour effet de l'exclure tout à la fois des sacrements et de la communion des fidèles. Cependant, l'Église, qui l'a établi pour la guérison spirituelle de ses enfants et non pour leur perte, a accepté de cette règle générale certains cas et certaines personnes. Elle permet de parler avec l'excommunié des besoins de son âme, et, dans ce but, de mêler à la conversation des entretiens étrangers. Un cas de justice ou une nécessité pressante autorise pareillement à lui adresser la parole. Son épouse, ses enfants, ses esclaves, ses fermiers, ses serviteurs, spécialement chargés de pourvoir à ses besoins, les supérieurs et les inférieurs pour ce qui concerne leurs obligations spéciales, les voyageurs, les pèlerins et tous ceux qui ignorent son excommunication, sont encore exceptés. Tous les cas d'exception sont exprimés dans ce vers latin, utile, lex, humile, res ignorata, necess. Le mot utile s'entend des paroles d'édification, lex, de la loi du mariage, humile, de l'état de sujétion. Les deux autres mots, res ignorata, necess, indiquent le cas où l'on ignore l'excommunication portée, et la nécessité de pourvoir aux besoins d'un excommunié ou d'en recevoir quelque secours. Note. Toutes ces règles ne sont applicables qu'aux excommuniés nommément dénoncés. Fin de la note. 2. Encourt-on l'excommunication en communiquant avec un excommunié? Quiconque communique avec un excommunié se sépare de la communion des fidèles et encourt par cela seul l'excommunication, soit majeure, soit mineure, l'excommunication majeure. Si la sentence d'excommunication porte que tous ceux qui communiqueront avec lui seront eux-mêmes excommuniés, ou si, la sentence d'excommunication étant pure et simple, on communique avec lui dans les actes même qui la lui ont mérité, par exemple, en lui donnant conseil, secours ou faveur. Note. Si l'ordre ou le conseil, dit Monseigneur Gousset, est suivi de son effet, l'excommunication mineure s'arrête à l'homme qui l'a encouru, il est permis de communiquer avec lui. Fin de la note. L'excommunication mineure, si on ne se met en rapport avec lui que dans les autres choses, comme en lui donnant le baiser ou en mangeant à sa table. 3. Y a-t-il toujours péché mortel à communiquer avec un excommunié hors des cas permis par le droit? Malgré ce qu'en ont pu dire certains auteurs, il paraît trop dur d'admettre qu'un simple mot adressé à un excommunié soit un péché mortel. Si cela était, on ne pourrait lancer aucune excommunication sans occasionner la damnation de plusieurs personnes. Aussi semble-t-il plus probable aux autres théologiens que cela seul pêche mortellement qui communique avec les excommuniés dans leurs crimes même, ou dans les choses sacrées, ou enfin par mépris de l'Église. Note. Communiquer in divinis avec un excommunié, c'est-à-dire dans les choses spirituelles, c'est agir contre le précepte de l'Église et pécher mortellement, mais communiquer avec lui en des choses d'elles-mêmes indifférentes. C'est agir simplement en dehors du précepte et pécher véniellement. Ceci, dira quelqu'un, ne contredit-il point ce qui a été enseigné précédemment, à savoir que celui qui communique avec un excommunié encourt au moins l'excommunication mineure. Non, on peut être privé de l'Eucharistie, ce qui est l'effet de l'excommunication mineure, sans même avoir commis aucun péché. Cette privation est parfois infligée à une personne pour en punir d'autres, comme on le voit par certains cas de suspense ou d'interdiction. Question 24. De l'absolution de l'excommunication. Qui peut relever de l'excommunication? Un excommunié peut-il être absous contre sa volonté? L'absolution d'une excommunication implique-t-elle toujours l'absolution de toutes celles que l'on a encourues? 1. Tout prêtre peut-il relever de l'excommunication les fidèles dont il est chargé? Oui, s'il s'agit d'une excommunication mineure, oui encore, s'il s'agit d'une excommunication majeure définie par le droit canon, et dont l'absolution n'est réservée à personne. Mais, pour ce qui est d'une excommunication portée par la sentence d'un juge ecclésiastique, cela ne se peut pas. Ici, l'excommunication ne peut être levée, hors le cas de nécessité, que par celui-là même qui l'a portée, ou par une autorité supérieure à la sienne. Pour les excommunications définies par le droit, voici six cas dont le pape s'est réservé l'absolution. Premièrement, une voie de fait commise contre un clerc ou un religieux par haine et de dessein prémédité. Deuxièmement, une effraction faite à une église, si le coupable a été dénoncé. Troisièmement, l'incendie d'une église, si le coupable a été dénoncé. Quatrièmement, la communication in divinis avec celui qui a été nommément excommunié par le pape. Cinquièmement, la falsification des lettres apostoliques. Sixièmement, la communication avec un excommunié dans le crime même qui lui a fait encourir l'excommunication. La difficulté excessive de recourir au pape autorise le coupable à se faire absoudre par son évêque ou par son propre prêtre, en prêtant serment de se soumettre à ce qui sera décidé ultérieurement par l'auteur de la sentence. À l'article de la mort, il n'y a ni cas réservé, ni excommunication dont tout prêtre ne puisse absoudre. Quant au premier des six cas énoncés, il admet un grand nombre d'autres exceptions, par exemple, si l'on était le régent ou le supérieur ecclésiastique du clerc, ou si l'on ne faisait qu'opposer la violence à la violence. 2. Peut-on être relevé d'une excommunication malgré soi? Il n'en est pas de l'excommunication comme du péché. Pouvant être portée contre quelqu'un malgré lui, elle peut aussi être levée contre sa propre volonté. 3. Quelqu'un peut-il être absous d'une excommunication sans l'être de toutes celles qu'il a encourues? Cela n'est pas impossible, surtout si ces diverses excommunications ont été portées par différents juges, la remise d'une peine n'entraîne pas nécessairement celle d'une autre. Note. Les excommunications n'ont pas entre elles la même affinité que les péchés mortels, qui ne sauraient être remis tant que l'aversion de Dieu subsiste dans la volonté humaine. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.